L'éléphant. Fable. Un indien avait un éléphant. Le maître nourrissait mal l'animal et le faisait travailler beaucoup. Un jour, l'éléphant se fâcha et écrasa son maître. L'indien mourut. Alors la femme de l'indien se mit à pleurer, apporta ses enfants devant l'éléphant et lui dit « Éléphant, tu as tué le père, tue aussi les enfants. » L'animal regarda ses enfants. Il prit avec sa trompe l'aîné, l'éleva doucement et le mit sur son cou. Et depuis, l'éléphant obéit à cet enfant et travailla pour lui.